Activité 2. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. En mai, c'est le festival de Cannes. En septembre-octobre, c'est la période des vendanges.